Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque. Je suis Mister Wiz et pour ce nouveau numéro, je suis accompagné de... Devinez qui ? Mon compère Murdoch. Bonsoir Murdoch. Salut Wiz, comment ça va ? Ça va fort bien et toi ? Bon, très bien. Alors, je me suis accordé une petite entorse pour ce numéro-là, à savoir que j'ai choisi 3 disques, mais pas de 1980 ou plus loin, mais vraiment de 1979 et centré sur le Royaume-Uni. Donc voilà, c'est vraiment une sélection très réduite. Écoute, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, sur mes mixtapes, j'aime bien mettre des trucs de 79 aussi. Donc voilà, ça m'a posé aucun problème. Et puis pour la peine, j'ai fait aussi un lot groupé, vu que mes 3 albums sélectionnés, on va dire pour la première partie, sont tous de la même année aussi, 82. Donc oui, toi t'es dans les clous des 80s. Oui, tout à fait. Mais voilà, je me suis attaché à rester sur la même date. Heureusement, j'avais un petit tas qui me permettait de rester sur la même année. Voilà. D'accord. Eh ben, on va commencer avec ta première sélection alors. Eh ben écoute, faisons. Je vous ai choisi le deuxième album de Depeche Mode, donc de 1982, qui s'appelle A Broken Frame. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est le titre Live in Silence. C'était Live in Silence de Depeche Mode, extrait de Broken Frame 1982. Cet album, qui est généralement assez décrié, c'est celui sur lequel j'ai trouvé les plus mauvaises critiques. Et moi, en fait, c'est mon préféré. Histoire d'emmerder le monde, parce que je le trouve très cohérent. Je trouve que c'est vraiment l'album le plus cohérent de toute la décennie. Toute leur discographie, ouais. Ouais, et il est extrêmement froid. Il y a une espèce de vent sibérien qui passe tout au long des deux faces et qui m'éclate beaucoup. C'est un des très très rares disques qui m'est vraiment rentré dans l'oreille dès la première écoute. C'est pas systématique, il y en a pas beaucoup qui font ça et qui restent, parce que ça fait très longtemps que je l'ai découvert et à la première écoute j'étais fan et en fait je le réécoute encore avec un plaisir immense. Donc voilà, c'est mon gros préféré de Depeche Mode. C'est mon gros coup de cœur de Depeche Mode. Alors je sais pas si toi tu avais déjà chroniqué un Depeche Mode. Oui, j'avais parlé du 101, donc le double live qui clôturait un peu leur décennie 80. C'est ça. Donc forcément moi j'aime bien Depeche Mode et alors cet album là, je ne le connaissais pas du tout. On est dans la pure new wave. Alors le plus déstabilisant sur cet album, c'est que il y a aucun hit, parce que pour moi Depeche Mode, voilà, il faut que sur un album il y ait au moins 3-4 gros hits. Tu vois, j'avais pas été pioché sur leur premier album, mais ça m'a étonné que sur le premier il y ait un Just Can't Get Enough par exemple, parce que c'est intéressant de voir le groupe qui ait déjà trouvé tous les ingrédients, mais pour moi justement je trouve que ça manque un petit peu de recette pour accoucher d'un bon album. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est que la voix est déjà vraiment reconnaissable. C'est-à-dire t'écoutes cet album là et t'écoutes Violator ou t'écoutes un album plus récent, tu retrouves exactement la... Pas tout à fait le timbre, parce qu'il a pris quand même les années, comme nous tous, mais les intonations, la manière de chanter, je l'ai retrouvé vachement présente, hein, en fait, tout au long de l'album. Alors, ce qui m'a surtout... Enfin, je dirais pas choqué, mais ce qui m'a fait tilter, c'est que j'ai retrouvé beaucoup de sonorités qui avaient influencé la scène française du début des années 80, la scène pop française, type Étienne Dao, etc. Donc, je sais pas si toi, t'as retrouvé aussi ces influences-là. Ah, pour moi, ils ont jamais été aussi inspiré en termes vraiment de construction d'albums. Le reste, c'est plus des collections de singles, en fait. C'est tout à fait ce que j'allais dire, en fait. D'une certaine manière. Sur ce point-là, ouais. Pour conclure, moi, c'est un album que j'avais, comme toi, trouvé super cohérent, sans être monotone, parce que c'est facile d'être cohérent quand tu fais toujours la même chose. Mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'idées différentes et que ça gardait quand même une bonne colonne vertébrale. Mais surtout, la bonne surprise, c'est que je me suis retrouvé confronté à deux de mes idées reçues. C'est-à-dire, la première, c'est qu'un album de Dépêche Mode, faut obligatoirement qu'il y ait des gros tubes. Alors, c'est pas du tout le cas de celui-là. Et la seconde, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un album New Wave qui est aux sonorités plutôt optimistes. Donc ça m'a vachement surpris. Je suis content que l'album vous ait plu. Donc, alors toi, tu nous as réservé un petit disque donc de 79. Oui. Il me semble que je l'apprécie. Donc tu connais Supertramp, le fameux Breakfast in America, qui est sorti en mars 79 au Royaume-Uni, et on s'écoute The Logical Song. C'était The Logical Song de Supertramp, extrait de l'album Breakfast in America. Alors c'est un album qui, on parlait de tubes précédemment, là c'est totalement l'inverse. Sur cet album-là, il n'y a que des tubes. C'est surtout ce qui me connecte à cette époque. C'est en fait, j'étais gamin et c'était un des vinyles qu'avaient mes parents. Et j'écoutais quasiment tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire soit les génériques des dessins animés que j'aimais bien, et j'avais accès à assez peu de disques, on va dire, de la discothèque de mes parents, mais celui-là en faisait partie. Donc j'adorais l'écouter, c'est des sonorités qui m'ont accompagné durant toute mon enfance, et j'ai vraiment adoré le réécouter, parce que je l'avais retrouvé déjà d'occasion pas cher. Alors pour moi, ça reste de la pop, on va dire assez classique, mais terriblement efficace. Alors, moi, je suis pas très synthé et pas plus saxo que ça non plus. Cet album, il est quand même truffé de ces deux instruments. Mais au niveau mélodie, c'est vraiment quelque chose qui m'attrape à chaque fois sur toutes les chansons, quasiment. C'est pas vraiment synthé, hein, pour le coup. Ouais, c'est-à-dire ? La sonorité, c'est construit autour du clavier Wurlitzer de Rick Davies. C'est pas vraiment un synthé, c'est un piano électrique. Ouais. Mais voilà, ouais. Mais chipote. Mais c'est... Ah, t'es là pour chipoter, t'es là pour me corriger quand j'ai approximative. Et bon, moi par contre, j'adore le sax. Et le sax d'Eli Well, je suis fanatique. En plus, ce mec est ultra drôle. C'est toujours lui qui fait le pitre en concert, qui présente même encore, enfin là maintenant ils en font plus, mais la dernière fois je les ai vus à Bercy à un petit temps, et c'était lui qui faisait le maître de cérémonie et qui balance des blagues toutes les 5 minutes, enfin voilà, il fait pas que du sax, c'est aussi un gros bout en train, voilà, c'était juste là. Un bon ambianceur. C'est ça. Mais bon, après c'est pareil, c'est un groupe, je suis pas du tout porté sur les voix de tête à la Bee Gees, c'est pas du tout ce qui va m'attirer, mais pourtant cet album il y en a plein, et pourtant il y a quelque chose qui passe avec cet album qui passe pas avec d'autres, et c'est vraiment pour ça que je l'ai repris, parce que voilà, 40 ans après, c'est un album que j'adore réécouter dans son ensemble, hein, c'est-à-dire tu mets le début, tu changes la face, et c'est vraiment hallucinant à écouter, ça chante super propre, c'est super bien produit. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses de cet album, mis à part ce que tu nous en as dit jusque-là ? 1979, j'avais 4 ans. Je m'en souviens encore, ma mère revient chez le marchand, et elle avait pas acheté des poireaux, elle avait acheté la cassette de Breakfast in America, et je me suis pris l'album dans la tronche, comme ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. D'un autre côté, j'avais pas eu encore trop le temps, et il m'a jamais lâché. Alors, non seulement c'est un album cultissime pour moi, mais c'est un groupe cultissime aussi pour moi. Le premier 33 tours que j'ai acheté dès que j'ai eu assez de sous pour acheter un 33 tours, c'était un Super 30. J'avais 50 francs à l'époque, c'était à la Fnac des Halles, et n'importe lequel, j'en ai pris un parce que je trouvais que la pochette était marrante, et voilà, et je les ai tous collectionnés les uns après les autres. C'est c'est un album que j'aime d'amour. Oh. Voilà, je suis très étonné que ça soit toi qui le sorte, parce que je pensais que ça serait peut-être justement un poil trop pop, un poil trop propre aussi pour toi. Donc je suis. Ouais, mais tu vois, moi, comme je l'ai dit au tout début, il me replonge vraiment à cette époque-là où c'était vraiment les tout premiers disques hors de mes génériques dessins animés que je pouvais écouter, et ça m'a replongé direct à cette époque-là. Et c'est un album qui est assez génial, hein, de A jusqu'à Z. Hein. Ah oui, non, mais je valide. Tu prends une classe d'âge, mm-hmm. donc globalement tes parents ou les miens, t'as quelques disques, tu peux être à peu près sûr que tu vas les trouver. Donc tu vas avoir Breakfast in America, tu vas avoir Dark Side of the Moon, il y a des chances que t'aies le Rumours de Fleetwood Mac, il y a des trucs comme ça, probablement Hotel California. Il y a eu une période où il y a des disques qui sont sortis qui sont des marqueurs. Ouais, des classiques interplanétaires. Mm-hmm. Et voilà, et il est dedans. Ouais. On passe à ton prochain choix ? Oui. Toujours de 82 ? Toujours de 82. Alors, c'est un mec totalement inconnu, que je pense que tu ne connaissais pas. Non. Il s'appelle Robert Kraft. Oui. C'est un disque qui s'appelle Rétroactive. Et l'extrait, c'est Your Blue 2, en duo avec Janis Siegel. Mm-hmm. Single de 82, lui aussi. Voilà. C'était Your Blue 2 de Robert Kraft et Janis Siegel, extrait de l'album Rétroactive. Alors, juste pour resituer le monsieur, parce qu'effectivement, il n'est pas ultra connu, c'est un compositeur américain né en 1955, et donc il a travaillé essentiellement sur des musiques de films. On lui doit en particulier la musique de Hudson Hawk. Oh. Si tu vois, un excellent film. Ah oui. Il a produit énormément d'artistes comme Bruce Willis, avec qui il a énormément collaboré. Probablement pour ça qu'il s'est retrouvé à faire la BO de Hudson Hawk. Dans l'aventure Hudson Hawk. Ouais. Il a produit George Benson, Celia Cruz, Manhattan Transfer, Ozzy Osbourne, Bette Midler et plein Ozzy d'autres. Ozzy Osbourne et Bette Midler. Oui, non, mais quand même, faut le faire. Il pratique aussi le grand écart facial comme Jean-Claude. Absolument. Il saute en l'air et après il se rattrape sur les boules. Il a été président de Fox Music de 94 à 2012 et a supervisé la bande son de plus de 300 films. Et il a aussi créé le label Jim Henson Records. Okay. Il a fait très peu d'albums, il a sorti que 5 disques, franchement pas connus. Et moi, en fait, j'ai découvert ça parce que de temps en temps, je regarde sur Discog un peu les sorties. Tiens, il y a ça qui est... Et je suis tombé sur les rééditions japonaises de ces albums. Je trouvais les pochettes marrantes. J'ai dit, bah tiens, on va voir si ça existe sur Deezer. J'en étais sûr que c'était à la pochette. Ça existait sur Deezer, j'ai écouté et j'ai adoré en particulier ce disque-là, qui est bon, bah voilà. Moi, je reste toujours très très West Coast. Mmh. Là, en plus, il y a une touche jazz que j'aime beaucoup. Il y a une prod magique super impeccable avec plein de bons artistes qui jouent dessus. Je cite juste comme ça parce que moi, ça me parle beaucoup. Mais on a Michael O'Marcian, Jeff Porcaro, Paulinho da Costa. Ouais. Tu peux mettre, je crois, n'importe quel disque sur lesquels il y a un des trois et je sais qu'il va me plaire. Donc voilà. Donc, c'est pas forcément ta grosse cam, mais suffisamment varié et suffisamment jazzy par moment pour faire peut-être oublier un peu le côté West Coast. Et ben tout à fait. Tac. Parce que tu m'avais déjà fait le coup de la pochette avec le bon vieux Bobby Martin à l'époque, si je me trompe pas. Exact. Voilà, ça m'a quand même beaucoup plus attiré l'oreille. Alors on est clairement sur des chansons, je vais pas chercher vraiment à les étiqueter hein, parce que c'est pas le but non plus, mais j'ai trouvé que l'état d'esprit me plaisait pas mal. Et il y a une base rythmique qui est un peu funk avec un chant qui lui est assez standard. C'est pas non plus monumental dans ce que ça dégage, mais c'est pas repoussant du tout, et ça tombe vachement bien. Je trouve que le morceau que t'as choisi, c'est un duo qui fonctionne super bien, c'est une belle chanson qui est bien tournée. Ça m'a pas choqué plus que ça, ça a coulé tranquillement, c'est pas mal, c'est pas monstrueux. Alors le seul bémol à ce disque... J'aime bien le « c'est pas monstrueux », c'est déjà un progrès. Je vieillis aussi. Hein. Alors le seul bémol que j'ai trouvé, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai cru qu'il y avait pas de guitare. Alors, moi, s'il n'y a pas de guitare avec des pédales de disto, c'est comme si, tu vois, tu mets du fromage champin, quoi. Oui, c'est un pianiste à l'origine, donc il est quand même beaucoup plus axé sur le piano. Oui. Il y a plus des cuivres dans une présentation plus jazz classique. Ouais. Mais voilà, le monsieur, il est plus big band, on va dire, que rock band. Ouais, bah, puis ça me plaît bien, quand tu vois, quand il y a des petites pêches de cuivre comme ça, à droite, à gauche, ça passe bien, quoi. Je trouve qu'il est moins clivant que beaucoup des productions qui ont pu être faites à l'époque dans cette catégorie, pour dire les choses rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup moins clivant. Alors, que nous réserves-tu pour la suite ? Eh ben, on va rester aussi avec un petit peu de cuivre, un petit peu de trucs, un petit peu de saxo à droite à gauche, avec un album qui est sorti en fin d'année de 79, donc en octobre 79 au Royaume-Uni, avec Madness, qui nous chante Madness, extrait de l'album One Step Beyond. Donc c'était Madness, chanté par Madness, sorti de l'album One Step Beyond. Alors j'ai découvert Madness par leur album live Madstock, qui date plus des années 90, et en gros bon bah c'est un best-of live assez classique. Et j'ai choisi donc de parler de leur premier album, parce que en fait j'avais vraiment envie de parler d'un album de ska depuis un petit moment, avec notamment les Specials aussi, qui était un grand groupe, on va dire, de ce milieu-là. Alors ce que j'aime, c'est vraiment le côté énergique de cet album. Alors la rythmique, elle est quand même assez terrible. La basse, elle est super bien faite. Et bah en fait, voilà, moi c'est un album que j'ai retrouvé, donc comme toi, sur Discog, mais vraiment pas cher du tout. Le vinyle, je crois qu'il est d'époque, hein, donc il doit être de 79. Et moi c'est vraiment un truc... je ne sais pas quoi dire sur Madness et comment on ne peut pas aimer et ne peut pas danser sur Madness. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout danseur, mais Madness c'est vraiment le seul truc qui me fait bouger. Et un morceau comme Tarzan Nuts, ça me fait ma journée, ça sautille, c'est frais. C'est pas vraiment en rapport avec le titre du morceau, mais moi ça me fait bien marrer. Il y a une reprise aussi du Lac des Cygnes qui est bien fun, qui est en ska. Géantissime. Évidemment, c'est tout à fait le terme. Et voilà, donc moi c'est vraiment une bonne bande de petits gars qui foutent un peu le boxon avec ce qu'ils savent faire en musique. Et moi ça me plaît vraiment bien. Et juste pour la petite anecdote, donc le titre One Step Beyond qui les a fait connaître, bah c'est une reprise aussi. Alors j'ai oublié qui l'avait fait, mais ce n'est pas d'eux. Donc je sais pas ce que tu penses de cet album et du ska d'une manière générale. Moi je suis très très très très fan. Ouais. Je suis ravi que tu parles des Specials, ça me permettra de le chroniquer sur une autre émission. Message to you, Rudy. Oui, oui, oui. Oh, bah, que je suis ton homme. Que j'ai en vinyle depuis des siècles, siècles, siècles. Mm-hmm. J'aimais beaucoup à l'époque, tout début des années 80, globalement radio libre. Hein. Moi, ça a été mon éveil musical, partiel, on va dire. Ce que mes parents m'ont pas apporté, le reste, c'est radio libre. Ouais. Mais je savais pas qui forcément chantait quoi. Mais c'est vrai que tout ce qui se faisait à l'époque, en ska, me plaisait énormément. Mmh. Alors, je préfère un poil plus encore les Specials. Ouais. J'ai découvert, vraiment commencé à découvrir ça, ça devait être au collège, parce que j'avais une copine qui était fanatique de ce groupe. Et j'avoue que je m'en lasse toujours pas. Hein. Je l'ai aussi pour le coup, j'ai l'édition collector à 1m50 de moi et il marche super bien. Ce qui est excellent sur ce disque, c'est qu'il est pas juste ska, il est aussi très varié en fait. Il y a beaucoup d'influences. Ça sonne très très anglais. On sent tout ce que ça a apporté par la suite. Moi je retrouve pas mal de trucs qui ont pu apparaître, ça et là chez Blur en particulier. Ouais. C'est terrible. Voilà. Un groupe que j'aime énormément et c'est un disque qui est là aussi, hein, c'est un classique, je valide. Je valide à 200%. Ouais, c'est soirée classique alors ? Ouais, complètement. One Step Beyond, la la la. La la la la la. One step Alors, c'est pas très classique ce que tu nous as choisi après. C'est quoi ? J'essaye de faire des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus. Oh, oui. Donc, le groupe s'appelle Blue Rondo à la turque. L'album, c'est Chewing the Fat, donc de 1982 toujours. Et l'extrait, attention, celui-là, il est formidable. Ça s'appelle Klaktovitsitin. Voilà, single de 82 aussi. I wait and wonder what it means, Klaktovitsitin. She says it again just all the time, Klaktovitsitin. It bites and bruises all my dreams, Klaktovitsitin. So say it again just one more time, Klaktovitsitin. Alors donc, Klaktovitsitin de Blue Rondo à la turque de Chewing the Fat en 1982. Donc pour ceux qui connaissent pas, et à mon avis ils sont très nombreux, oui. C'est un collectif anglais à géométrie variable, actif de 81 à 84. Donc il y a vraiment... Une vie courte. Ça a été une vie très très courte et qui mélange des influences jazz, salsa, brésilienne, pop. Au final, ça donne une mixture qui est très très anglaise, je trouve. Mm-hmm. Et je... trouve des similitudes avec des groupes comme Madness, justement, sur certaines sonorités, ou Culture Club. Oui. On sait qu'on est sur un groupe anglais. Donc, ils sortent donc leur premier album en 82. Il y a quatre singles qui vont l'accompagner, dont deux vont quand même être classés, dont le titre que j'ai choisi. Mm-hmm. Pour le coup, comme ils vont pas faire un gros succès avec cette première livrée, on a trois participants du groupe qui vont juste claquer la porte. En l'occurrence, ça sera Mark Reilly, Danny White et Kiton Poncioni. Et ces trois messieurs vont former l'année suivante Matt Bianco. Ah, ça y est. Et c'est comme ça que j'ai découvert le groupe. Ils sont surtout connus pour avoir donné naissance à Matt Bianco en 84. Qui est un petit peu dans la lignée, on va dire, globalement. Tu vois, j'avais pas poussé un petit peu l'historique du groupe, mais quand tu me dis les trois gars sont partis pour fonder Matt Bianco, il y a clairement, comme tu dis, une filiation entre les deux formations. Ça, c'est clair. Alors, j'ai juste le vinyle français d'époque. Il est ressorti en deluxe en 2014 chez Cherry Red avec deux CD, avec les versions single de trois inédits, machin. Mm-hmm. Très, très bien remasterisé. Et ça permettra peut-être à des gens de découvrir en plus grand nombre ce disque-là que je trouve vraiment très très bon. Il avait tous les ingrédients, je trouve, pour faire quand même un peu plus de carton que ce qu'il a fait. Se faire entendre un peu plus. Ouais. Ouais, et moi je trouve que le mix est quand même vraiment intéressant et que ça marche toujours quand même franchement bien. Donc ça m'a bien plu de le mettre. Ouais, c'était une sympathique découverte. Bah, comme tu l'as dit, ça sent les îles, le Brésil, les rythmiques estivales légères. Comme d'hab, il y a une super bonne ligne de basse syncopée qui tient le tout tout le long de l'album. Une bonne section de cuivre aussi. Donc ouais, j'aime bien moi quand tu ressors des disques comme ça, un petit peu de nulle part. C'est typiquement le genre de truc, ça va pas changer ma vie. Non, mais tu vois, mais il y a des disques comme ça qui vont changer ta vie. Là, ça va rien changer. Mais ça m'a fait plaisir de l'écouter parce que c'est des trucs que tu connais pas et ça coule tout seul. Et il y a un petit clin d'œil à Mission Impossible dans I Spy for the FBI. J'ai trouvé que c'était super sympa quoi. Il y a plein de petites trouvailles comme ça dans l'album. Bah c'est vachement bien quoi, et justement de voir que tu te mets ça sur Deezer pour écouter, bah ça passe tout seul quoi, c'est pas le genre de truc tu vas faire oh non c'est nul, j'ai pas envie d'écouter au bout. Là c'est le truc, ça te tient, quand tu écoutes de manière assez attentive, tu vois qu'il y a quand même un travail musical derrière qui est pas négligeable, c'est bien construit. À l'origine, c'est pas ma cam, mais ça fait le job. C'est top. Et ben voilà. Mais il y a aussi une chanson qui s'appelle Carioca. Oui, tout à fait. Mais sais-tu danser la Carioca? Mais c'est pas celle-là. Ok, bah écoute, on peut passer à ta troisième sélection et tu nous fais encore du classique. Ah oui, ah bah oui, là c'est Radio Classique hein, ce soir. On va s'écouter London Calling des Clash qui est sorti en décembre 79. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun. C'était donc London Calling des Clash, donc comme tu l'as dit, encore un classique, mais bon voilà, quand j'ai choisi mes deux premiers disques de 79, j'ai commencé à fouiller un petit peu, et voilà, les Clash sortis la même année, donc c'est quand même trois disques assez majeurs. Il y en avait un quatrième, mais je l'ai pas mis, parce que bon, on va pas non plus faire la soirée dessus. Mais voilà, donc c'est le troisième album des Clash, donc qui montre surtout que le groupe a réussi à se sortir du schéma punk rock de ses débuts. C'est surtout l'album où ils vont montrer leur subtilité musicale, parce qu'il va y avoir quand même énormément de styles qui vont être mis sur la table, hein, avec du ska, de la pop, du rockabilly. C'est un vrai bel album qui fait le pont entre les années 50 et les années 80, fin 70, début 80. Alors j'y suis rentré évidemment par la chanson-titre, hein, donc London Calling, qui est un gros standard. C'est un scandale. Moi j'adore cette chanson, parce que le chant il est vraiment rageux comme j'aime, mais il est pas hurlé, ça transpire l'implication politique donc, du duo du groupe. C'est une grosse charge contre l'Angleterre de Thatcher, et c'est moi je trouve que c'est un morceau qui est vraiment très très bien fait. Ils étaient précurseurs, dis donc, parce qu'elle avait pas eu le temps de faire grand chose en décembre 79, mes mères. Je pense qu'ils avaient eu le nez creux. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'ils tapent sur les Beatles, et ça se fait pas. C'était de bonne guerre à l'époque, hein, à l'époque, façon, voilà, fallait casser les icônes, donc voilà, les Beatles passaient par là, ils ont pris une balle perdue. C'est un mauvais jeu de mots, parce qu'il y en a un autre qui a pris une balle et qui était pas perdu pour lui. Désolé John. Si tu nous écoutes. Ouais. Non, je crois pas. Alors c'est aussi une des pochettes de disques les plus connues de tous les temps, hein, donc c'est un album majeur, hein, qui est bien plus complet qu'il n'y paraît. Alors je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Et qui fait le lien aussi avec les années 50, puisque la pochette reprend la typo du premier album d'Elvis. Hein. Et oui. Alors moi je suis rentré un poil après, je crois que c'est sur Sandinista, avec The Magnificent Seven. Oui. Parce que ça passait en boucle à la radio donc à l'époque. J'ai tout de suite eu énormément de tendresse pour le groupe, donc ce disque-là, je l'avais pas écouté depuis super longtemps. J'avais complètement oublié qu'il était aussi excellent. Ouais. Et il est pas long, justement pour le coup, par rapport à Sandinista qui se tire un peu sur la fin. Oui. Parce que là, le triple, ça commence à faire beaucoup. Mm. Il est ultra varié. Je trouve qu'il y a pas de longueur du tout. Il y a des chansons qui filent la pêche. Il y a des chansons qui sont drôles. Il y a des chansons qui sont... Enfin voilà, ça part dans tous les sens. Mm. Et là encore, c'est quand même très cohérent. Ça marche super bien. La prod est excellente. Ouais, c'est bien foutu. C'est... Ça permet de rappeler que bah, des fois, pas toujours, mais des fois, le punk, c'est de la mélodie qui est noyée sous des flots de guitare. Et tu grattes un peu le cambouis qu'il y a au-dessus, tu te retrouves avec quelque chose de... C'est là que tu vois ceux qui ont réussi à faire autre chose que du punk. Cet album-là, comme j'ai dit, il est de 79, donc très très rapidement après le début du punk. Et bah, ils montrent qu'ils ont beaucoup plus dans leur bagage et dans leur tête que de faire du simple punk 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans cet album-là, mais aussi dans toute la carrière des Clash. Hein. C'est que, comme tu l'as rappelé, plus tard ils vont faire des albums qui vont être super bien foutus aussi. Hein. Donc c'est vraiment chouette d'avoir accès à ce genre de musique. Hein. Ouais, c'est vraiment le côté, on part d'une scène qui a un côté un peu monolithique. Et on voit bah, que les gens ils ont quand même autre chose que juste du bruit et que juste de la guitare, ils sont capables de faire quelque chose de quand même un poil plus mainstream, hein, il faut le reconnaître, mais c'est aussi pour ça que j'apprécie. Mais à la limite, t'as d'autres groupes en même temps, je pense à Public Image. Oui, bah c'était issu. Qui hein. fait carrément autre chose aussi, qui part dans quelque chose qui est plus de l'avant-garde. Mm. On a tendance à oublier que ce côté juste grosse guitare, machin, bah ça cacher un petit peu des choses qui sont révélées après au fil des années, donc c'est un très très très bon disque. Bon, on passe à ton prochain choix. Oui, et tu sais quoi, eh ben c'est de 79. Non. Si, je me suis dit bon, fallait quand même que je triche un peu aussi. Oui, t'as fait l'effort, moi je l'ai pas fait. Donc non seulement il est de 79, mais il est du 3 mars 79. C'est-à-dire qu'il est du jour de mes 4 ans. Bon anniversaire. Merci. C'est un album qui s'appelle Shake Your Booty de Frank Zappa. Et je vous ai choisi Dancing Fool hein, comme extrait, voilà, single sorti lui aussi en 79. Hein. Much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course now right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. Dancing fool. Dancing fool. Donc Donc c'était Dancing Fool de Frank Zappa, extrait de Shaker Booty de 1979. Donc Shaker Booty, hommage à Casey and the Sunshine Band, hein, Shake Shake Shake, Shaker Booty. Et oui. Qui ne connaît pas Zappa, en fait, plein de monde, parce que il est à la fois extrêmement connu et extrêmement pas connu, je trouve. C'est tout à fait ça. Tout le monde connaît le nom, mais les gens vont te dire, il faisait quoi comme musique? Ou t'as un album à sortir comme ça, et les gens, je sais pas trop, et tout. Et ben il faisait tout. Oui. Il a fait du rock, naturellement, du jazz, il a fait de la musique classique, il a fait de la musique concrète, et c'est un des plus grands guitaristes de le monde. Moi, ce que j'apprécie chez un artiste, c'est la capacité à te foutre sur le cul à chaque fois, et à chaque fois faire quelque chose de différent, et te retrouver dans une situation où tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et il a tellement touché à tout, et bien en plus, que je m'en suis toujours parmi. Pour revenir à l'album en lui-même, donc c'est un album très représentatif de l'époque, c'est un de ses plus gros succès commerciaux quand même. C'est un album qui est, comme il faisait beaucoup à l'époque, en fait basé sur du live, avec 250 tonnes d'overdub par-dessus, ce qui fait qu'on n'a plus du tout l'impression d'écouter un live. Le disque est à l'image du monsieur à l'époque, c'est-à-dire que c'est ultra varié, parce qu'il fait du rock, il fait du hard, il fait des balades un peu sirupeuses, du disco, du tango, de la musique concrète encore, même si c'est des petits interludes, mais il y en a. Moi, c'est vraiment un gros classique aussi, quoi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le monsieur et j'aime beaucoup ce disque. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça te parle? Le truc, c'est ça. C'est quand t'as choisi Zappa, évidemment que j'étais tout à fait dans ce que t'as dit. C'est-à-dire, bah, je connais de nom, mais alors qu'est-ce qu'il a fait? J'en savais rien. Alors, le gros morceau qui m'a vraiment tapé l'oreille, c'est I Have Been In You. Alors, la voix qu'il a sur ce morceau, mais c'est incroyable. C'est vraiment super bien fait. C'est comme un chat qui ronronne et tout. Il y a vraiment un truc qui me parle, quoi. C'est vraiment dans le style. C'est ce que j'avais noté dans mes notes. Tu sens le mec qui veut donner du câlin, quoi. C'est vraiment, il veut faire passer un message avec sa chanson et il y arrive bien. Cette chanson-là, c'est une parodie d'une chanson de Peter Frampton, me semble-t-il. D'accord. Qui a plus ou moins le même titre. D'accord. Je crois que la chanson d'origine, c'est « Je vais y aller », et lui, fatalement, il chante bah, « J'y étais, en fait ». Voilà. D'accord. Bah ouais, mais bon, même si c'est parodique, moi je trouve que la chanson elle est vraiment chouette, quoi. La voix elle est vraiment top. Et il y avait d'autres morceaux que j'avais retenus, c'est Broken Hearts Are For Asshole. Bah celle-là elle est pour toi, c'est la plus. Exactement, avec un bon gros riff. Donc ça m'avait bien plu. Et I'm So Cute qui tape juste aussi, quoi, qui est vraiment bien trouvé. Il y a aussi Baby Snake qui est super funky. Et en fait, le dernier instru, donc qui pour le coup est pas du tout ma cam, parce que je suis pas vraiment adepte des solos de guitare de 9 minutes, mais Yo Mama, j'ai trouvé que c'était bien pour un morceau dans ce style-là. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses, et c'est un album au bout du compte qui est vraiment très très bien, quoi. C'est vraiment hors des sentiers battus, et bah mine de rien, quand on se laisse bercer, ça nous attrape quand même pas mal, hein. Je case un peu en bonus que c'était dans les rééditions, parce que c'est la réédition vinyle de 2015. C'est une version, on va dire, non coupée. Soit quand il avait ressorti l'album à l'origine en CD, il avait raccourci certains titres et fait en sorte que les trucs s'enchaînent pour qu'il n'y ait pas de blanc sur la totalité du CD. Donc là, pour le coup, sur la version CD que j'ai acheté aussi, et naturellement sur le vinyle, on a vraiment l'équivalent de ce qui était sorti à l'époque, avec les morceaux non coupés, et il n'y a pas de fade, machin, truc. Enfin, voilà. Donc on a le truc tel que sorti à l'origine, et avec un son qui déménage sa mère. Ah, c'est clair. Voilà. Alors, je te passe la main pour la suite. Oui, j'ai choisi In Excess avec la chanson New Sensation de Kick qui est sortie en 87. C'était New Sensation d'In Excess, extrait de l'album Kick. Alors c'est ce que j'écoutais à l'époque en cassette, j'adorais ça. Les riffs de guitare, c'est toujours aussi efficace, à mon avis. Alors je sais pas si je parle tout de suite des bémols que je lui trouve 30 ans après, mais ouais, je vais quand même le dire tout de suite. Alors c'est la réverb sur la voix. ça m'a agressé parce que il chante bien, mais il n'y a pas besoin de lui mettre la chapelle Sixtine derrière. Mais bon, c'est la prod de l'époque qui était comme ça. Mais par contre, j'ai trouvé que même maintenant, les gros standards étaient toujours présents. Quand tu prends Devil Inside, New Sensation, Need You Tonight, les mecs, ils avaient trouvé quand même une sacrée formule magique. Et c'est de la bonne chanson pop-rock pour moi. Hein. C'est pas le groupe qui a influencé une génération, ça c'est clair. Mais pour de la musique grand public, je trouve que c'est vraiment bien. C'est un album que j'ai laissé tourner sans gros soucis. J'ai pris énormément de plaisir à le réécouter. Autre gros bémol, puisqu'on en est aux choses qu'on n'a pas trop aimées, c'est l'intro de Never Tear Us Apart. Alors l'intro synthé, son violon, c'est plus possible maintenant. C'est dommage parce que la chanson, elle est vraiment bien, mais elle a super mal vieilli. Alors avant de continuer, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce petit In Excess ? Alors, j'avais pas écouté l'album, en fait. Hein. Je le connaissais pas. Je connaissais pas tellement les singles qui sont sortis, que je trouvais bien. J'étais pas tombé à la renverse à l'époque. L'avis que j'ai à l'écoute du disque, c'est qu'ils ont effectivement des riffs qui sont super efficaces. Mm-hmm. Donc en fait, du début jusqu'à la fin, putain, mais elle est bonne, celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Ouais. Sauf que, on a un peu l'impression qu'ils ont mis tout leur bifton sur ça. Ah bah là, tu fais tapis. Hein. Et en fait, y a, une fois qu'ils ont fait l'intro, il n'y a pas toujours ce qu'il faut derrière. Ils ont concentré toutes leurs cartouches sur on va trouver l'intro qui déchire. Ouais. Et en fait, après, il y en a qui tombent bien et puis il y en a qui tombent franchement à plat. Et c'est dommage, c'est pas un truc que je vais réécouter forcément tous les jours. Mmh. C'est ultra efficace. Hein. Ouais. Il y a quelques titres que je trouve très bons, globalement ceux qui sont sortis en single. Ouais. Mais sur la longueur, je trouve qu'ils s'essoufflent un petit peu. Ah ouais? C'est, voilà, je suis vraiment, c'est tout est dans l'intro, quoi. Donc tu vas avoir trois notes. C'est un groupe de riff, hein. C'est ça. C'est les mecs, ils ont trouvé le riff et après ils déroulent pour faire le morceau autour. Mais c'est ça qui, moi, m'a plu de réécouter maintenant. C'est, tu te rends compte justement qu'à l'époque, moi, je voyais effectivement que le vernis du morceau et tu te dis, waouh, ouais, c'est super, c'est super. Après, avec le temps, tu te rends compte du côté un petit peu superficiel de la chose. Mais moi, pour moi, ça coule toujours autant. Et c'est vrai que, comme tu dis, ils ont fait tapis, les mecs, ils ont fait cet album là. Après, ils ont fait quand même un album suivant qui était bon, hein, qui avait encore 2-3 singles qui tenaient la route. Alors par contre, ce qu'il y a à conseiller, c'est le Live Baby Live. Alors effectivement, c'est un peu comme le Madstock Madness, hein, donc ça fait un peu collier de perles de tube, mais ça reste quand même super efficace, ça reste un très très bel album live, et Michael Hutchence, il se défendait quand même vachement bien en concert. La vidéo extrait du concert est aussi très très bonne. C'est vraiment un peu comme le Texas dont on avait parlé la dernière fois. Ça fait partie des trucs un petit peu faciles, mais que j'aime toujours écouter parce que c'est vraiment de la bonne cam comme j'aime bien. Quoi. C'est pas honteux, hein. Oui, oui, c'est clair. Ah bah non, j'aurais jamais honte d'écouter In Excess. Ça reste un bon disque, mais je suis moins client parce qu'ils ont mis de la laque chinoise sur du contreplaqué, entre guillemets, pour faire des images à la con comme j'aime bien faire. Il y a une espèce de couche absolument génialissime sur une base mélodique qui est clairement insuffisante. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais honnêtement, je suis pas forcé pour l'écouter jusqu'au bout. Et il y a vraiment des trucs qui passent bien. Et c'est le reflet d'une époque, mais c'est loin d'être le reflet de ce que l'époque a fait de pire. Oui, quoi, oui, vraiment. C'est un truc qu'on peut ressortir en disant voilà, les années 80, c'est ça aussi. Et je dis, c'est en ça que je trouve que c'est pas honteux, quoi. C'est vraiment, ça tient son rang, quoi. Mais je suis moins client. Alors, au chapitre réédition, quand même, ils ont été un peu gourmands. Hein. J'ai noté une réédition en 89, 2002, 2004, 2012. Donc, comme ça, bim, ils en ont fait à peu près à tous les étages. Donc, là, vu que c'est les 30 ans de l'album, j'attends la prochaine réédition du Kick. Mais pour le coup, c'est à ton tour de sortir un grand, grand classique. Moi, c'est pas juste un classique. Ça, pour moi, ce disque, c'est le plus grand disque qui ait jamais été publié. Je pèse mes mots, hein, sincèrement. Et puis, il y en a d'autres qui sont d'accord avec moi, comme George Michael, par exemple. Ce disque, c'est Songs in the Key of Life de Stevie Wonder de 1976. Et l'extrait choisi, c'est As, single de 76 aussi. Early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you. Donc c'était As de Stevie Wonder, extrait de Songs in the Key of Life de 1976. Que dire sur le monsieur? C'est un immense bonhomme qui a quand même vendu plus de 100 millions d'albums, reçu 22 Grammy Awards, placé 49 singles dans le top 40 américain et dont 32 numéro 1 tout de même. Un des sons de la Motown, ah oui. Un des artistes emblématiques de cette maison de disques tout aussi emblématique, qui a gagné son indépendance artistique en 1971 et qui à partir de là, alors les disques avant étaient très bons, mais il s'est mis à sortir une collection de disques qui sont tous vus comme des classiques vraiment haut du panier, comme dirait Mika, et ça culmine en 76 avec ce pavé qui est sorti à l'époque en 2 disques et demi, 2 33 tours et un 45 tours avec 4 titres dessus. Donc il y avait une cinquième face. Et donc c'est 1h45 de Stevie Wonder au plus haut de sa créativité et au plus haut de son génie. Ça part aussi un petit peu dans tous les sens, même si on est quand même globalement sûr de la soul, funk, bien comme il faut, c'est ultra calibré. Il y a une prod absolument fabuleuse. Quand on regarde le staff, les musiciens qui ont participé, c'est un générique de film. Allez sur la page wiki de l'album, ça s'imprime sur un A3. Il y a un excellent numéro de la série Classic Album qui est consacré au disque et qui est absolument passionnant. Globalement, comme toutes les émissions qu'ils ont faites, fatalement celle-là je l'aime un peu plus que les autres vu le contenu. Voilà, je suis, pour moi c'est le meilleur disque du monde. On n'a jamais fait mieux. Pour moi c'est vraiment le pinacle absolu, quel que soit le genre, quelle que soit l'époque. Il y a des disques que j'aime beaucoup et puis il y a celui-là. The best, absolu. Je sais pas quoi dire de plus, c'est le génie pur. Oui, bon, c'est un album qui va amener le son de la Motown quand même jusqu'à tard dans les années 70, hein, puisque c'était un petit peu plus tôt quand même les grandes heures de la Motown, mais c'est... sur cet album-là. Moi, je le connaissais pas dans son intégralité, hein, mais il y a des chansons qu'on connaît tous, hein, comme Sir Duke, Isn't She Lovely, même As, que t'as choisi en extrait. C'est super bien construit, c'est un grand monument encore de la musique, dans un style tout à fait différent, avec un groove quand même assez sévère, j'aurais tendance à dire. Et il y en a beaucoup qui ont été piochés leurs influences dans ce disque-là, quoi. Ça, c'est indéniable. Il y a évidemment le sample le plus évident qui est le Pastime Paradise, qui a été au bout du compte massacré puisque la chanson d'origine était quand même beaucoup mieux que ce qui en a été fait plus tard. C'est sûr, oui. Oui, ouais, bah ouais, mais bon, après c'est le problème, c'est tu sais plus qui est l'original et qui est la reprise. C'est ça qui est un peu dommage parce que bon, sa chanson elle mérite plus que le traitement qu'elle a eu plus tard. Mais bon, ne serait-ce que pour le format et l'indépendance artistique dont il a pu bénéficier pour cet album, c'est vraiment chouette. Parce qu'il a de tout, il a du format court type 45 tours assez facile, comme Sir Duke hein, qui fait moins de 4 minutes, donc ça peut passer à la radio, etc. Isn't She Lovely c'est un peu plus long, As c'est un peu plus long, c'est des morceaux qui s'installent un peu plus. C'est un super album, hein, ça c'est clair. Voilà, on va passer à un disque que tu nous as choisi. On va s'écouter No Beginning, No End d'Oxley Workman, donc c'est extrait de l'album Last Night We Were the Delicious Wolves de 2001. Crying now, I feel so happy that we're here together. Your eyes must be filled with the mist of underwater cigarettes. C'était No Beginning No End d'Oxley Workman, donc extrait de l'album Last Night We Were The Delicious Wolves. Alors c'est un artiste que j'ai découvert lors d'une retransmission de concert à la radio, puisque le jeune homme y faisait la première partie d'un groupe très connu, et donc en attendant qu'il vienne sur scène, donc France Inter a diffusé 2-3 de ses morceaux, lui tout seul à la guitare et Mr. Lonely au piano, et ça m'a vraiment attrapé l'oreille direct. Le gros intérêt de la chose, c'est que ce premier contact, c'était, donc, comme je t'ai dit, piano, guitare, voix, donc c'était très, une formation très restreinte. Et par contre, l'album est quand même beaucoup plus touffu, instrumentalement parlant, que ça. Et donc, ça m'avait vraiment beaucoup plu, à savoir que donc Oxley Workman, il fait tout seul aussi pour faire ses albums. Donc il est canadien. Et ses influences, elles sont quand même assez multiples. Hein. Donc on sent quand même beaucoup derrière la patte d'un Freddie Mercury ou d'un David Bowie, puisque ça sonne énormément cabaret, glam rock. Bowie, on le retrouve, oui. Ouais, ouais, bah oui, bah Bowie, c'est clair. Et donc pour moi, c'est des chansons qui sont très très bien construites sur différents styles. Alors j'adore les ambiances qui sont très différentes d'une chanson à l'autre, hein. Tu vas avoir No Beginning No End qui est une chanson très mélancolique, ça c'est le genre de tristesse que j'aime bien, on va dire, réécouter tranquillement, et à côté de ça tu vas avoir une chanson comme Striptease qui est très très rock quoi. Il va avoir aussi un phrasé un peu rap avec des solos de guitare bien placés. Moi c'est vraiment quelque chose, enfin un album que j'ai vraiment bien aimé, et après je l'ai suivi dans sa carrière. Alors le problème c'est que ouais, il a pas eu énormément quand même de chance le gars, parce qu'il avait vraiment envie de percer, donc il a fait quand même pas mal de concessions artistiques pour être signé dans une maison de disques, mais ça a pas pris, donc ça reste une carrière qui est très très difficile, mais toujours dans la même veine, avec toujours énormément de diversité et toujours l'envie de faire des choses à sa patte. Et moi c'est un artiste qui me touche beaucoup pour ça, pour d'une part pour son spectre musical, et aussi par le fait qu'il fasse tout seul et que tu sens vraiment la passion du gars derrière, hein. Donc je sais pas ce que t'en as pensé de ton côté. Il est barré. Oh non, non, non, c'est pas barré. Il est barré. Non, le personnage est barré. Enfin, il y a quelque chose de frappadingue dans le rendu. C'est très très chouette. On sent effectivement l'influence de Bowie, mais on sent l'influence de Bowie avec quelque chose qui n'a pour autant rien à voir. C'est pas Obispo avec Polnareff. C'est tout à fait ça. C'est des influences que tu ressens et qui sont digérées et travaillées. Et c'est tout à fait ce que tu dis. Ouais. Voilà. Il en fait quelque chose de complètement neuf. Mm. J'avais naturellement jamais entendu parler du Gus. Mmh. C'est très marrant parce que je trouve que c'est indatable. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Mmh. Ça aurait pu être ultra récent. J'ai pas du tout regardé l'année au début, donc au début je me dis tiens, ah ouais, c'est un truc qui vient de sortir. Et puis il y a certains titres où je dis oh bah non, alors ça doit être une bonne vague Britpop première moitié des années 90. C'est ultra difficile à situer dans le temps. Mm-hmm. Et pour moi c'est un gage de qualité. Donc voilà, non ça m'a bien éclaté. Je trouve que le rendu est vraiment très bon, et il y a un côté un peu cintré quoi. Ah pour le coup ouais il est assez singulier quand même dans sa manière d'être. Je pense qu'il vaut le coup d'être vu en concert. Il a aussi des clips qui sont assez sympatoches à regarder. Moi, comme je te disais, c'est vraiment un artiste qui me touche énormément pour ça, parce que... Puis après, il y a la carrière derrière qui est compliquée. Pour trouver ses disques, c'est vraiment une sacrée galère. Et pour le coup, j'en ai commandé pas mal au Canada. Et c'est vraiment un mec à suivre. Enfin, moi, ça me plaît de suivre ce genre d'artiste. Ouais. Ça, c'est clair. Quelque chose de totalement unique. Bon, bah écoute, sur ce... Ça va être l'heure de clôturer quand même cet épisode. Bah, ça va être ça. Bon, bah, on se dit au revoir alors. On fait comme ça, puis on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et puis voilà, merci beaucoup Murdoch. Ouais, bah merci à toi Wiz. Et puis on se retrouve bientôt, comme tu l'as dit, pour d'autres épisodes de Manche Disque où on va parler musique et tout et tout. C'est ça. Et cuisine végétarienne. Non, en fait. Cuisine. Allez, girl power les gars. Non, c'est ça, voilà. Yo, à bientôt. Ciao. Ciao.